Remix. Comment leur dire, moi, que je trafique en souterrain, en Belgique, à Serein, pour épandre le bien, je serai toujours là, pour défendre les miens, ouais, j'oublie rien, je me souviens de tout le soutien, comment leur dire, à quel point je les aime, encore bien que je les ai, j'en aurais toujours besoin, à Kassanti, Mohamed et Mariem, la fine équipe, MAX et Obi-Wan, on bosse à temps plein, avec la foi, comme tremplin, jour viendra, on se dira qu'on y est arrivé, enfin, c'est pour tout. Les anciens que j'entends se plaindre, pour rester droit, combien de lois je dois enfreindre. Et je ne crois pas, non, que le vice me rend sain. Je me différencie, moi de ma vie, j'en suis le metteur en scène. Je me répète, moi de ma vie, j'en suis le contremaître. Vous perdez pas dans ce que je raconte, les mecs. Je représente mon cœur, la sensibilité, la délibilité, mon honneur, ma crédibilité. Je représente la jeunesse et son affinité, ma fraternité, mon amour et son éternité. Je représente ma bonté, je représente ma rage, je représente ma volonté autant que ma sagesse. Je représente ma mère, tous ceux qui m'encouragent. Je représente mes frères, bien plus que mon entourage. Je représente ma fierté, je représente ma foi. Je représente ma liberté, je me représente moi. Je représente les anciens, je représente la jeunesse. Je représente les gens bien, les miens et tous les braves. Je représente ma bonté, je représente ma rage. Je représente ma volonté autant que ma sagesse. Je représente ma mère, tous ceux qui m'encouragent. Je représente mes frères, bien plus que mon entourage. Je représente ma fierté, je représente ma foi. Je représente ma liberté, je me représente moi. Je représente les anciens, je représente la jeunesse. Je représente les gens bien, les miens et tous les braves. Si j'avais su, la vie n'a rien de sûr. Et les ennuis ne viennent jamais seuls. Combien sont condamnés depuis l'échographie, menés en bateau, et donc j'ai sauté du navire. Et ouais, j'ai dû sauver ma vie, des hématomes sous la peau. À Serein, je ne viens pas de Monaco sur la côte, pilotant mon temps comme au volant de ma Daya. Même la tête sous l'eau, j'ai esquivé la noyade. J'ai pas de Porsche Cayenne parqué au bord de la playa. J'suis pas dans les galeries, la faillite à faire la paillasse. Il faut que j'évite vite la faillite, il me faut de la caillasse. Sans tâter le vide comme Jean-Colin Maillard. Quand t'entends fuf, t'es déjà dans le corbillard. Et ouais, de nos jours, dis-moi qui est encore fiable. Qui? C'est juste un homme parmi des milliards. Et là tout en haut, le ciel protège mon cœur qui bat. L'exhaleur imperturbable. Je cultive la vie sur la terre du rap. Hip-hop, AKS, costaud. L'exhaleur pour tous les codes postaux. De Liège ou d'ailleurs, la